Nyang. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée de ce 17 juillet. En voici les grandes articulations. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM appelle le gouvernement burundais à mettre en place un stock stratégique carburant afin de faire face à une carence répétitive des produits pétroliers. Dans cette édition, nous aurons également la réaction de l'organisation Reporters sans frontières suite à la fermeture des bureaux de la BBC au Burundi. C'est après le retrait de la licence d'exploitation par le Conseil national de la communication CNC. Dans cette édition, nous reviendrons également sur la mort hier mardi de ce chanteur sud-africain, Johnny Clegg, surnommé le Zulu Blanc. Nous terminerons cette édition sur la chronique éducation relative aux vacances scolaires avec l'expert Alexis Ndaïziguié. La mise en onde est assurée par Dorine Ouimana. Rebonjour et bienvenue. Isanganiro. Page sécurité pour débuter cette édition. Une femme de la colline Muyang, en commune Nyabihanga de la province Mwaro, a été tuée la nuit de ce mardi par son mari du nom d'Egide Ndeisenga. Malezi Harerimana, âgée de 35 ans, a reçu un coup d'une arme blanche sur la tête et précise les sources policières à Mwaro. L'auteur de ce crime est déjà arrêté pour confection du dossier, poursuit cette source à Mwaro. Page média poursuivant cette édition par cette page média. L'organisation Reporters sans frontières déplore ce qu'elle qualifie de verrouillage du paysage médiatique au Burundi. Dans un communiqué sorti ce mercredi, le responsable du bureau Afrique de cette organisation s'inquiète que la radio BBC n'a pas obtenu la levée des sanctions plus d'une année après sa suspension et 4 mois après le retrait de sa licence d'exploitation. Ce communiqué de RSF est sorti après que la BBC ait ce mardi fermé son bureau au Burundi. Suivez-le au téléphone avec Aubin Nyonguru. La première réaction de Reporters sans frontières, c'est que la fermeture de la BBC à Bujumbura envoie un très mauvais signal à l'ensemble des médias indépendants qui tentent encore de faire survivre un journalisme libre et indépendant au Burundi. Ça va bien au-delà du cas de la BBC. Plusieurs médias indépendants sont déjà dans le collimateur des autorités. VOA est suspendue de manière indéfinie depuis plus d'un an. RFI a été menacé de sanctions. Ce qui, évidemment, serait dramatique puisque ça empêcherait toute tenue d'un débat public contradictoire et ça nuirait, évidemment, au processus électoral. Quelle proposition de solution, Monsieur Arnaud ? Aujourd'hui, il est indispensable pour une organisation de défense de la liberté de la presse comme la nôtre de maintenir la pression en relayant ces fermetures de médias et qu'à alerter la communauté internationale sur ces questions afin que les partenaires du Burundi puissent continuer à faire pression, que cette politique cesse. Arnaud Frogère, c'est le responsable du bureau Afrique de l'organisation Reporters sans frontières. Je vous l'annonçais en titre. L'établissement d'un stock stratégique carburant, c'est la seule solution pour faire face à la carence répétitive des produits pétroliers dans le pays. C'est du moins l'avis de Gabriel Rufili, président de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM en sigle. Gabriel Rufili indique que le fait que le marché d'importation du carburant soit attribué à peu de personnes est l'une des conséquences de la pénurie artificielle du carburant au Burundi. Suivez-le au téléphone avec Évariste Nzikobanyang. Le deuxième argument, c'est le monopole que nous observons. Par ailleurs, ce n'est pas nous seulement qui le dit. Il y a la commission gouvernance à l'Assemblée nationale qui a élaboré un rapport. Dans lequel rapport, il a été mentionné que actuellement au Burundi, il y a une seule société, presque une seule société, Interpétrole. Bien évidemment, il y a aussi Cobil, mais c'est l'Interpétrole qui occupe presque tout le marché. Mais comme vous le savez, un secteur sensible comme celui-là, une seule société ne peut pas vraiment prétendre satisfaire le marché. Auparavant, on entendait qu'il y avait le stock stratégique du carburant. Est-ce que le rétablissement de ce stock serait une solution, selon vous? Pour nous, l'une des solutions en tant que pays non producteur de produits pétroliers, en tant que pays enclavé, nous pensons que l'une vraiment des solutions, c'est la constitution de ce stock stratégique. Et il faut le savoir, c'est le gouvernement qui facilite, mais la constitution et le paiement de ces fonds, ce sont les citoyens qui payent. Donc pour nous, nous pensons que vraiment, humblement, l'une des solutions, c'est la constitution de ce stock stratégique. Seulement la question qu'il faut poser au gouvernement, qu'est-ce qui manque pour que ce stock stratégique ne soit pas constitué? Il faut vraiment poser cette question, parce que l'ORICOM, elle l'a posé depuis longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu encore de réponse. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Visite ce mercredi dans la localité de Kaburanwa, en commune Buganda de la province de Cibitoke, sur la rivière Rusizi, où sera construit un pont qui relie le Burundi à la République démocratique du Congo. Des travaux de construction qui sont évalués à plus de 3 milliards de francs burundais. Et Herman Tuyaga, secrétaire exécutif à la communauté économique des pays des Grands Lacs, indique que ce pont permettra la facilitation des échanges commerciaux et le renforcement de la sécurité. Une information que nous devons à notre correspondant en province Cibitoke, Alexis Ndairagije. Je vous l'avais annoncé en titre, le célèbre artiste de renommée internationale Johnny Clegg, connu sous le pseudonyme du Zoulou Blanc, est mort hier mardi à 66 ans après une longue carrière musicale qu'il a commencé à l'âge de 14 ans. Johnny Clegg, à travers sa musique inspirée par la culture Zoulou, a contribué à lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a sorti plusieurs albums, dont son premier ayant eu des succès avec un morceau connu dans le monde entier intitulé Asimbonanga, qui veut dire « On le reverra très bientôt ». Il parlait de Nelson Mandela, leader sud-africain qui était incarcéré. Il était avec Christian Savie. Johnny Clegg est issu d'une famille de paysans juifs immigrés en Rhodésie du Sud, devenu plus tard Zimbabwe en 1980. Enfant blanc dans l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, Jonathan grandit dans un environnement isolé de toute culture africaine. Malgré cela, il arrive à se lier d'amitié avec le fils du chauffeur de la famille qui l'initie au Ndembele, une langue qui tire ses origines de Zoulou. Jonathan Clegg, que tout le monde commence à appeler Johnny, s'initie à la guitare à 11 ans, ce qui lui permet de rencontrer un musicien de rue, Zoulou, qui jouait près de chez lui. Clegg apprend la musique Zoulou. Son premier album de Savuka, Enfant du Tiers-Monde, titre qui annonce son engagement, a été un très gros succès, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et les titres phares comme Asimbonanga, chanson dédiée à Nelson Mandela. En 2015, après avoir découvert sa maladie, il démarre une tournée qui doit l'amener à se présenter dans de nombreux pays du monde et qui devrait conclure sa carrière internationale. Et il dit « Le voyage que j'ai commencé quand j'avais 14 ans touche aujourd'hui à sa fin. Il aura vendu au cours de ses 42 ans de carrière plus de 5 millions d'albums. » En avril 2017, Johnny Clegg annonce qu'il souffre d'un cancer du pancréas. Il meurt hier, le 16 juillet 2019, à l'âge de 66 ans, à Johannesburg. Merci à Christian Savier, que ce chanteur sud-africain repose en paix. Certaines constructions en zone Kamenge au nord de la capitale Bujumbura ont envahi des poteaux électriques de la régie des eaux le long de certaines routes. Certains habitants exerçant leur métier proches près de ces poteaux craignent d'éventuels accidents. Ils demandent le recours des autorités administratives. Et le chef du quartier Heha, un des quartiers où la situation se présente ainsi, appelle la population au respect de la loi en matière de construction. Le point avec Moïse Misago. Certains habitants d'Okamenge s'inquiètent des constructions qui entourent les poteaux électriques de la régie des eaux. Certains poteaux sont même à l'intérieur des clôtures des maisons d'habitation. D'une part, ces poteaux sont à l'intérieur des toits et d'autre part, ces poteaux ont été érigés à l'intérieur des clôtures. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent que cette situation peut causer des accidents. Les administratifs dans la zone Kamenge indique qu'il sensibilise la population au respect de la loi régissant les constructions. Bigega Janvier, chef de quartier Heha, l'un des quartiers où se présentent ces constructions, dit qu'il y a des propriétaires de parcelles qui les construisent pendant la nuit. Je peux dire que la situation que vous avez vue au courant de la route, et nous, comme les chefs liés de la quartier Heha, nous avons vu ça. Cette autorité locale demande de l'appui de la part de ses chefs supérieurs pour prendre des sanctions à l'encontre de ceux qui transgressent la loi irrelative. Quittons la mairie de Bujumbura pour nous rendre en province Bubanza, et bien le pont de la rivière Gikoma qui sépare la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. La province Bubanza est menacée d'écroulement de ses berges en aval. Ceux qui exercent différentes activités près de cette rivière indiquent que l'effondrement des berges est la conséquence de la montée des eaux de cette rivière en période pluvieuse et demandent que ce pont soit protégé durant cette saison sèche. Le chef de colline Rubirizi Centre fait savoir que la plantation des arbres qui avait été initiée pour stabiliser les berges de cette rivière, et bien des activités qui ont échoué. Restons en province Bubanza, où des nids de poules s'observent sur la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza. Des conducteurs de voitures et motos déplorent les difficultés de déplacement sur ce tronçon. Des accidents s'y produisent parfois, disent les conducteurs de véhicules et piétons. Les usagers de cette route demandent sa réhabilitation. Et sur ce, le conseiller principal du gouverneur de la province Bubanza précise que cette situation est déjà connue du ministère en charge des travaux publics et que la province est en attente de la réaction du dit ministère. Et en page éducation, apprendre aux enfants en vacances de petits métiers tels que la menuiserie, l'électricité, la broderie et autres sont les principales activités prévues pour les enfants en vacances dans la paroisse Kamenge. Les enfants rencontrés sur place apprécient positivement cette initiative, indiquant que ces métiers vont les aider dans l'avenir. Toutefois, l'abbé Philbert Anaïmera, aumônier paroissial des mouvements d'action catholique, indique que la paroisse fait face à certains défis tels que le manque du matériel nécessaire de terrain pour ses enfants. Radio Isanganiro, chronique éducation. Place à la chronique éducation de ce mercredi. Les vacances scolaires constituent une opportunité donnée aux apprenants et éducateurs pour le repos mental, puis changer d'activité. Des explications d'Alexis Ndaïziguié, expert en sciences psychologiques et pédagogiques. Ce psychopédagogue démontre qu'à côté des connaissances acquises à l'école, l'élève a besoin d'autres connaissances en rapport avec la vie courante. Les détails, c'est dans cette chronique éducation qui nous est préparée et présentée par Eline Bell Nibi. Lorsqu'un apprenant ou un éducateur passe une certaine période à l'école, il a besoin à un certain moment de repos. L'expert en sciences psychologiques et pédagogiques définit les vacances scolaires comme périodes durant lesquelles les établissements scolaires sont fermés, à l'exception des périodes hebdomadaires comme le week-end. Le mot vacances vient du latin vacant qui signifie être libre, inoccupé. Ici, les vacances désignent à l'origine la période pendant laquelle les élèves cessent leurs activités. C'est le temps opportun de se reposer, d'être libre, de changer d'activité. Toutefois, les vacances scolaires ne signifient pas le moment de croiser les bras et de s'entendre le psychopédagogue. Il dit plutôt que c'est une occasion de changer d'activité afin que la période des vacances est différente de la période scolaire. Ce qu'il faut connaître, la durée des vacances est différente selon le pays, selon aussi le système éducatif dans lequel on se trouve. Des vacances au Burundi, il y a trois sortes de vacances, mais les vacances de 2 semaines aident les enfants à se reposer, à réfléchir sur la matière étudiée ou précédente. Mais les grandes vacances, c'est une sorte d'évaluation annuelle où les enfants doivent s'auto-évaluer. De plus, les dates et les durées de ces périodes varient considérablement à travers le monde, suivant les pays et l'organisation de leur système d'enseignement. Ils notent également des vacances pédagogiquement prévues, appelées vacances pédagogiques. C'est le moment opportun de partager les activités familiales avec les enfants, de faire des échanges et de discussions entre les membres de la famille, d'organiser des visites de voisins. Bref, ce sont des moments pour discuter en rapport avec les activités, les réussites scolaires ou échanger. Les vacances sont organisées différemment par les parents et par les enseignants. Dans la prochaine chronique éducation, l'on vous parlera de l'importance concrète des vacances scolaires, les conséquences une fois ces vacances ignorées ou mal organisées et le rôle ou le comportement que devraient adopter les apprenants en vacances, leurs éducateurs et leurs parents. Merci à Eli Nibel Nibigira et à l'expert en éducation Alexis Ndaizigiye. Voilà à 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les grands titres. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'UCOM, appelle le gouvernement burundais à mettre en place un stock stratégique carburant afin de faire face à une carence répétitive des produits pétroliers. Après la fermeture des bureaux de la radio britannique BBC et après le retrait de sa licence d'exploitation, l'organisation Reporters sans frontières déplore ce qu'elle qualifie de verrouillage du paysage médiatique au Burundi. Dans cette édition, nous sommes également revenus sur la mort hier mardi du chanteur sud-africain Johnny Clegg, surnommé le Zulu Blanc, suite à un cancer. Et vous venez de suivre cette chronique éducation relative aux vacances scolaires avec l'expert Alexis Ndaizigiye. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Marie-Claire Kazeneza qui en assurait la réalisation. Et Dorino Imana assurait la mise en onde. Au revoir.